Chapitre 2e. Issus du peuple, l'un et l'autre, ils présentaient l'aspect comme il faut et légèrement empêtré d'un ménage endimanché d'ouvriers aisés. Tous deux, en dépit de leur humble extraction, avaient su se conserver sains, moralement, et se hausser eux-mêmes au-dessus du niveau coutumier de leur classe. Geneviève était fille unique d'un petit employé anémique, à la poitrine étroite, et qui, son travail terminé, incapable de faire figure d'homme parmi les hommes, se montrait peu dehors. C'était un être doux et tendre, épris avant tout de la vie de famille. Tout le jour, la fillette gardait la maison en compagnie de sa mère impotente qu'elle soignait. Jamais elle ne s'était mêlée dans la rue aux ébats et aux jeux plus ou moins brutaux et grossiers des autres enfants du quartier. Orpheline à 12 ans, elle avait été recueillie par le ménage juif des Silberstein, qui tenait une confiserie bien achalandée. Ce sont ces étrangers qui l'avaient élevée. Geneviève gagnait sa nourriture et ses vêtements en servant à la boutique. La nuit, elle couchait au-dessus, dans l'appartement de ses patrons. Le dimanche surtout, elle leur était précieuse, car contraint comme ils l'étaient par leur religion à respecter le repos sabbatique, elle tenait seule le magasin, dont la fermeture eût été pour eux ce jour-là une grosse perte. C'est dans cette petite boutique paisible qu'elle avait vécu 6 années durant et s'était développée. Elle ne s'était point fait d'amis, les seules jeunes filles qu'elle eût pu fréquenter lui ayant déplu par leurs mauvaises manières et leur effronterie. Quoiqu'elle eût l'instinct sociable, elle avait, dans ces conditions, préféré rester seule avec elle-même. Elle avait encore moins consenti, à ses heures de sortie, à faire causette avec les jeunes gens du quartier et à se promener à leurs bras, comme c'est l'habitude, dès leur 15e année, de la plupart des jeunes filles de sa condition. Aussi, en parlant d'elle, ce petit monde enjuponné l'appelait-il dédaigneusement la tête de poupée. Il jalousait sa beauté, lui en voulait de sa réserve, mais ne lui refusait pas une sorte d'inconscient respect. « Pêche à la crème !» l'appelaient de leur côté les jeunes gens, à la fois admiratifs et railleurs. Mais entre eux seulement, ou à mi-voix, quand elle passait, assez bas, pour qu'elle n'entendît point. Le même respect obscur l'enveloppait à leurs yeux et sa beauté les intimidait. Belle, elle l'était réellement. À travers son père chétif et sa mère impotente reparaissait la race impeccable d'une longue lignée américaine. Sa peau, d'une blancheur parfaite, se colorait à souhait d'un afflux de sang rosé, et le tout la faisait ressembler en effet à une crème de lait et la plus délicieuse des pêches. Les traits de son visage étaient réguliers, et la ligne de son corps délicate et svelte. La voix était douce. À quel atavisme inconnu se rattachait cette fleur merveilleuse, éclose, comme il arrive parfois, on ne sait pourquoi, dans une classe sociale inférieure. À l'aide de ressources minimes, Geneviève savait s'habiller correctement et avec goût. Dans la solitude où elle vivait, sans déversoir pour sa tendresse native, sommeillait en elle l'amante et la mère. Quelqu'un devait, fatalement, venir un jour qui donnerait un corps à ce double sentiment, et sans qu'elle s'en rendît compte, elle attendait l'élu. C'est alors qu'apparut Joey. Par un chaud après-midi de dimanche, il entra dans la boutique des Silberstein afin de se rafraîchir d'une glace à l'eau de Sels. Geneviève était occupée avec un autre petit client, un gamin de 6 à 7 ans, qui bravement analysait ses désirs devant une vitrine où reposaient des bonbons merveilleux, à côté d'un carton où on lisait 5 pour 5 cents. Elle avait entendu, d'une voix d'homme jeune, demander « Une glace à l'eau de Sels, s'il vous plaît ?» et elle-même avait répondu « Quel parfum ?» sans se retourner pour voir la figure de celui qui parlait. Ce n'était pas dans ses habitudes de prêter attention aux jeunes gens. Ils avaient une façon de la regarder qui lui déplaisait et la mettait mal à l'aise, sans qu'elle sût exactement pourquoi. Leur manière brusque et hardie, effrontée souvent, la choquait. L'homme n'avait pas encore frappé son imagination et elle n'avait même pas tenté de le comprendre. À quelqu'un qui lui eût demandé la raison d'être sur la terre du sexe mâle, elle eût été fort embarrassée de répondre. Ce fut seulement lorsqu'elle vida dans le verre la mesure coutumière de crème congelée que ses yeux se posèrent par hasard sur le visage de Joey. Elle éprouva immédiatement une impression agréable et satisfaite. L'instant d'après, ce fut lui qui la regarda. Elle avait déjà baissé ses prunelles et s'était tournée vers le robinet d'eau de Sels. Mais tout en remplissant le verre, elle ne put s'empêcher de jeter à la dérobée le temps d'une seconde un nouveau regard vers le jeune homme. Et elle vit cette fois que le jeune homme fixait ses yeux sur elle et puis en l'instant de les croiser. Cela encore ne lui fut point désagréable. Qu'elle éprouva tant de plaisir devant un homme, voilà qui l'étonnait. « Il est joli garçon, » pensa-t-elle, innocemment, tout en s'efforçant de détourner d'elle le pouvoir attractif dont elle sentait l'inexplicable emprise. Était-il vraiment joli? Elle se le demanda, en plaçant le verre devant cet énigmatique client, sur le comptoir qui les séparait. Elle reçut en même temps sa monnaie et pour la troisième fois, elle scruta des yeux les yeux adverses, et elle pensa « Non, il n'est pas joli. Le terme est impropre, il est beau. » Mais ce terme encore ne la satisfit pas. De tous les gens bien bâtis, on a coutume de dire qu'ils sont beaux. L'expression lui semblait trop banale pour formuler ce qu'elle éprouvait. Il lui semblait que jamais elle ne se lasserait de contempler Joey. Joey, pour sa part, n'était pas moins troublé. Quoiqu'il fût plus renseigné que la jeune fille sur le rôle réciproque des sexes, la femme n'avait pas encore sérieusement arrêté sa pensée. Comme la plupart des sportifs, il était demeuré un chaste. Pour la première fois, son imagination s'éveillait, exactement comme faisait celle de Geneviève. Et si elle n'avait point, à tout moment, baissé ou détourné son regard, c'est lui-même qui lui évitait pour revenir bientôt à son initiale contemplation. Il jouait avec sa cuillère, tout rougissant et l'air infiniment malheureux, tandis que la première, reprenant la maîtrise d'elle, Geneviève lui parlait doucement de choses quelconques, l'enveloppant toujours davantage de son charme ensorceleur. Il se décida enfin à absorber sa glace. Il n'eut plus dès lors de prétexte pour lui à demeurer plus longtemps dans la boutique. Il aurait bien voulu demander une seconde consommation, mais il n'osait pas. Il sortit, laissant Geneviève rêver tout éveillée, et descendit la rue comme un somnambule. La jeune fille, durant tout l'après-midi, demeura pensive, et elle sut qu'elle était amoureuse. L'opération fut plus longue chez Joey. La confiserie et la jeune vendeuse si jolie, debout derrière son comptoir, lui imposaient leur présence continuelle. Mais l'idée de retourner à la boutique et à ses bonbons l'effrayait et le rendait honteux. 10 fois, 20 fois, 100 fois, il se répétait « Non, non, je ne suis pas un homme à bonne fortune. Je ne dois songer qu'au ring, au ring seul. » Le 4e jour seulement de la semaine, vers la fin de la journée, il se décida à entrer comme par hasard et en affectant un air détaché. Mais toute son attitude trahissait son bouleversement intime. Il était gauche et timide, et l'on eût dit que ses pieds refusaient de le porter. Geneviève, au contraire, si intense que fût son émotion, semblait calme et sereine. Il commanda une glace, d'une voix éteinte, regarda la pendule avec inquiétude, vida son verre en vitesse et, sans proférer une parole, s'en alla. Geneviève en était prête à pleurer. Après 4 jours d'attente, une si faible récompense à son amour. Ce garçon était bien gentil, mais il avait agi tout à fait mal. Joey, pourtant, n'avait pas marché 100 pas dans la rue qu'il brûlait de revenir en arrière. Un désir irrésistible s'emparait de lui, de revoir cette jeune fille. Jamais plus désormais, il ne pourrait se passer d'elle, et quand il la reverrait, il lui demanderait qu'elle vint faire à son bras, le premier jour où elle aurait 1 heure de libre, un tour de promenade au parc de la ville. Ainsi elle comprendrait qu'il lui offrait le mariage et souhaitait l'épouser. Il y eut de la sorte entre eux plusieurs rencontres. Ils se rejoignaient d'ordinaire à la nuit tombée, et comme tous les autres amoureux de la ville, ils se rendaient au parc public où ils s'asseyaient côte à côte sur un banc. Joey s'était donné pour un simple ouvrier. Ils se parlaient peu, sans abuser des grands mots d'amour coutumiers, mais leurs yeux, où se reflétait la lueur des étoiles, parlaient pour eux. Ainsi, peu à peu, prenaient-ils conscience de leur cœur. Joey faisait tout ce qu'il pouvait pour se conduire en grand chevalier. Quand il marchait dans la rue, il prenait soin de se placer au bord du trottoir, laissant à Geneviève le côté des maisons, car il avait entendu dire qu'il essayait d'agir de cette manière. Si le temps était menaçant, et si elle avait pris son parapluie, c'était lui qui le portait. Il n'avait par contre jamais appris qu'il est d'usage d'envoyer des fleurs à la dame de ses pensées, et il commença, en guise de cadeau, par offrir à Geneviève des fruits. Des fruits, dans son idée, c'était quelque chose d'utile. C'était bon à manger, tandis que les fleurs, cela s'envoyait pour les enterrements. Mais comme un soir, Geneviève était venue au rendez-vous avec une rose piquée dans ses cheveux, Joey, pour la première fois de sa vie, s'intéressa à la fleur. Il contempla la rose longuement, l'enveloppant de la même admiration qu'il éprouvait pour les cheveux auxquels elle se mêlait. Il se dit qu'elle était belle ainsi, qu'elle était on ne peut plus adéquate à la grâce de la jeune fille. Alors il comprit ce qu'étaient les fleurs. Il en devint amoureux comme de Geneviève et le lendemain, il envoya à celle-ci une botte de violettes. Mais Silverstein n'avait pas tardé, comme bien on le pense, à découvrir le pot aux roses. Et comme elle se trouvait un jour dans la boutique, nez à nez avec Joey, elle le regarda furieusement. Il sortit précipitamment, tout effaré, et après son départ, il y eut une scène où Mrs. Silverstein donna libre cours à son indignation. Elle fulmina contre tous les boxeurs en général et contre Joey Fleming en particulier. Silverstein, arrivé sur ses entrefaites, s'efforça en vain de calmer la colère de son épouse, qui aimait Geneviève comme une mère, disait-elle, et avait le devoir de lui parler ainsi. Geneviève, abasourdie, ne saisissait pas tout le détail de la diatribe de la juive. C'était un torrent de paroles intarissables. Tout ce qu'elle comprenait, c'était que Joey, son Joey, était Joey Fleming, le professionnel de la boxe bien connu. Voilà qui était horrible, impossible, trop ridicule pour être cru. Quoi ? Son Joey aux yeux clairs, au teint de jeune fille, était un vulgaire boxeur. Le boxeur, à vrai dire, elle n'en avait jamais vu, mais elle se forgeait l'image d'une sorte de brute humaine, aux yeux de tigre et au front bas. « Une jeune fille qui se respecte fréquente et incogne !» hurlait Mrs. Silverstein. « Non, mais a-t-on idée de ça ?» Silverstein commença à s'irriter lui aussi. Il riposta. « On dira ce qu'on foudra, mais c'est un bon et brave garçon. Et puis le métier rapporte et s'y fait de bonne rente. » « De bonne rente ? Qu'en sais-tu ? » cria Mrs. Silverstein, hors d'elle. « Qu'en sais-tu ? Est-ce que par hasard, tu fréquentes sans m'en parler ce genre d'endroit ? Réponds-moi ! Réponds-moi ! » Silverstein, et c'était la première fois que Geneviève le voyait tenir tête aux colères de sa femme, n'en demandait point. « Oui, un pont et brave garçon. Lorsque son père est mort, il était tout jeune encore. Il s'est mis tout de suite à travailler à l'atelier de voilerie de Hansen. Il a 6 frères et 6 sœurs plus jeunes que lui. Il est leur buddy bear. C'est lui qui achète leur bain et leur viande et qui paye leur loyer. Le samedi soir de chaque semaine, il rapporte $10 à la maison et le donne à sa mère. Il est leur buddy bear à tous. Les petits frères et les petites sœurs vont en classe, bien habillés. Ils mangent du bon pain et de la bonne viande. Leur mère est grasse et heureuse. Elle est toute fière de son bon fils Joey. » Silverstein était lancé. Il n'y avait plus moyen maintenant de l'arrêter. « Le soir, il va au club et il boxe. Quel beau corps il a ! Harcourt, quel beau corps ! Il est plus fort qu'un puf, plus vif qu'une bandère, et la tête plus froide que la glace. Ses yeux voient tout à la seconde. À l'atelier de Hansen, il s'exerce avec les autres garçons, et il les bat tous. Au club, il a mis knock-out l'araignée, un coup de maître. Là encore, il gagne des dollars, beaucoup de dollars. Qu'en fait-il ? Il les borde à sa mère. Abandonne-t-il pour cela son travail ? Non. Il travaille le jour et boxe la nuit, dans les clubs. Il a acheté une belle maison pour sa mère. C'est avec ses boins qu'il l'a payé. Il a acheté un piano à ses sœurs, des tableaux pour mettre au mur. Il a tout payé. Il mise sur lui-même. Ça, c'est un bon signe. Quand un homme mise sur lui-même, on peut y aller sans crainte. » Ici, Silverstein se tut, se rendant compte que son éloquence l'avait trahi. Mrs. Silverstein recommença à jeter feu et flamme, à maudire les hommes, qu'elle allait perdre leur argent dans les clubs de boxe. Son mari, pour l'apaiser, dut lui affirmer qu'il gagnait invariablement et ne perdait jamais, et cela grâce à Joey, sur qui il misait toujours. Le premier instant de surprise passé, Geneviève accepta le fait accompli. Elle trouva 1000 excuses à son Joey, et qu'en dépit de la terrible découverte qu'elle venait de faire, il était toujours digne d'être aimé. Elle ne lui fit le lendemain aucun reproche, mais exigea seulement de lui qu'une fois marié, il renoncerait au ring. Et lui, il avait dit oui, en grand amour de Geneviève, sentant toutefois, à part lui, combien cette promesse serait difficile à tenir. L'eût-il voulu sincèrement ? Il y avait les nécessités matérielles de l'existence, il y avait sa mère et ses frères et sœurs à soutenir. Il y aurait son propre ménage à faire vivre, avec les enfants qui viendraient demain. Il faudrait assurer à Geneviève un sort digne d'elle, digne de l'amour qu'il lui portait. Ce n'était pas, de toute évidence, avec son seul métier d'ouvrier boilier, qu'il pourrait compter s'en tirer. Geneviève et Joey demeurèrent plus longtemps qu'il n'est d'ordinaire d'usage à se faire la cour, noyant tout d'abord, dans une vague béatitude où ils se complaisaient, leur désir sexuel. La caresse des doigts sur le bras, la pression prolongée d'une poignée de main, le frôlement dans un frisson de leurs deux visages, plus rarement l'union des lèvres dans un baiser, les troublaient infiniment. Parfois, il prenait à Geneviève des envies folles d'entourer Joey avec ses bras, de s'abandonner amoureusement dans les siens. Mais elle rejetait aussitôt cette pensée comme une chose damnable et défendue, comme une inconvenance inouïe. Plus difficilement, Joey résistait aux aiguillons de la chair et à ses désirs bizarres, dont le principal était d'imposer sa force d'homme à Geneviève en lui faisant mal. Quand, après de longs et sinueux détours, il était arrivé à lui en serrer la taille, une envie spasmodique lui prenait de rendre écrasante cette étreinte de faire crier la jeune fille de douleur. Ce n'était point pourtant dans son tempérament de se complaire à la souffrance d'aucun être vivant. Même sur le ring, il ne portait aucun coup à son adversaire avec l'intention de le blesser. Il jouait correctement le jeu, et le but du jeu est uniquement de terrasser l'adversaire, de le tenir par terre 10 secondes durant. Quand il frappait des poings, il ne cherchait donc pas à blesser. Si une blessure en résultait, ce n'était qu'un accident, une incidence au but poursuivi. Il n'en allait point de même avec Geneviève, sans qu'il parvînt à s'expliquer pourquoi, quand il lui avait encerclé le poignet entre son pouce et son index, il aurait souhaité resserrer son étau, jusqu'à écraser la chair et l'os. Il se découvrait, dans sa nature, des abîmes de brutalité dont il n'avait jamais rêvé. Une fois en quittant la jeune fille, il l'enlaça brusquement et durement, l'attira à lui. Un cri de surprise et de douleur de Geneviève le rendit à la raison. Il demeura sur place, tout honteux, tremblant d'une sorte de joie mal définie, inexprimable. Elle tremblait comme lui. Dans la souffrance qu'elle avait subie, et qui était le fait de l'essence même du mal, elle avait éprouvé, elle aussi, un indicible délice. De ce moment, sans qu'elle s'en expliquât la nature, ni pourquoi s'en était un, elle avait connu le péché.